ci jahim sawar wum te ñom yashrubuna ñuy nan badala au lieu que ñu nan manam lu wute laziza sharabi nan go neex ku usal hamim ñuy nan ay kaas yo xamantene tangor ndox mu tar taru tangor fa ne wayu qaluhum ñu nan len wum te ñom kat ala wujuhim fek jamono joju nga xamne mom lañ leen wax yushabuna ñang leen di nekkal ci seen xar kanam ñi ngay nekk seen xar kanam yi fey nan leen zuqu muslim ma kuntum taksibuna la ngeen doon jëfé islawha nañ leen sanni ci bir safara ki fasbiru way muñ leen aw walu bok sax la tasbiru bu leen muñ sax yena xam lo leen def sawaul lepp yam aleikum ci yeen innama li amba def dal moy tu jawna dañ leen di fay ma lala la nga xamne kuntum mom ngeen nekkon tamal diko def seen jëf yi rek lañ leen di fay sortu tour ayesis waqat deug deug qaraba jegal na allah bur yalla masafata distance al azab mbugal bayna hadhihi ummati ci digeunte xet wo wa bayna ak digeunte ikhwanim seen mbokk yi fil amali ci jëf ñu bokk ak ñom ci jëf rek bo xolé mbugal giñ leen di mbugal dafa jégué wo dafa jégué wo dañ leen di yëkëti sanni leen ci suusu ñom tamit ba para sanni leen xeer mu jeex ñu dée ñu mujjé ñu fa qala mu daal di wax mu khawfan di adi ragal lolohum ñeel leen an yaqaa ci murad al wa'id tekk wa wama hiya deet gis nga bu yalla waxe histoire bo bopa dañ wama hiya te li nekkul lo xamne min azalimin ci way toñ ka di xawma ñande wayo toñ ka di ñop li mom nekkul bi baay lim du lolon sori moy ñi def ni gaay defon li sori wu leen hmm donc kon mën nañ encourir len même danger voilà waaw waaw mune waqala waxna ash-sha'ir way kat ba فياناك حذ ذكرى تهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأبشروا فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء فإن إخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا أجلوا لكم البشرى وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى يعذب كل منهما بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزر من فياناك في يوم يسيرك الذكران غورني tahni ko ay way mang lay tatagal way al bushra ci mbekté gi way dila annoncer bonne nouvelle way ay way han manam tatagal moy soit le bienvenu ci bonne nouvelle bi fa yawmo bis bi nga xamné ma'adun nas mom lañuy dajalé manam rendez-vous nit ñi ci lay amé innalakum ñeel na leen fofu ajran ak tay dé am yeen fa salaire dé ku lu lek leen way washrabo te ngeen nan ci kaw suuf ci way lek leen nan di banex rosnu ne ngeen jaalo walutu def len yefi gor jigen wa abshurute ngene bek way fa innalakum ndax ñel na len zafan ñi ngi len di mi ngi taru mi ngi prepare wu ilal jannati ci safara bo xamne alhamra bu khonku khonku gala fa ikhwanukum ndax seen mbokk yi moy dalen day ku day ki la dal manam comme tay bu fekkete ne nit ki dafa def lu bon nga nan ko c'est bien continuer ironie la wala kon nak fa ikhwanukum sen mbokk yi ñom de xat deug deug mahadu laytalal na len addara keur ga qablakum lu len jitu wa qalu te ñom ñi ngi nan ilayna jëm ci ñun ajilu na ngeen gaaw len jëm ci ñun way la ku mu ndax ñeen len al bushra way bonne nouvelle bi wa hana ndax ñun kat aslafun ay ñoo len jitu won la ku ñeen len fi intizarikum ci te di len xaar feeg ma ona da nañu dajale nak al jabbar yalla bay duma wat nak fi naari ci sawaram al kubra bu gëna mak waaw fala tax sa bu len fokk na amna leena ne nga xamne nakaxtu mo ñom ngeen di seyel yaghibu na ñom danañu faddo ankum wulif len bal li fi nek tarawnahum de ngeen len gis jahra ci lu bir wayal anu te dana rabb kullun kep kenn minkum ci yeen li khalilihi ñeel xaritam bam dan seyel wayashqati dana taxedi bi ci mom al mahzun ki nga xamantene mom moy ki am tis fil karatul ukhra ci al-akhirah ba bu baam won manam bu gaay dundate al-akhirah kenn ku ci ñom nak day nek ki nga xamantene moroma moy waral ak dioptrices ci mom ndax ya'adabu def nako mbugal kulul kep kenn minhuma ci ñom ñaar bi sharikihi ci kenen ki lañ koy mbugale kamashtaraka kenn nga xamne non lañ bokke won ci aduna fi ladatin ci banex yi nga xamne tuuji bu mo waralon al wisra bakar yu reey do voilà mo fermu da bu sax ci ci irul voilà lool mo nekkon 85e wa chapitre bi takkal legi bi ci dess inshallah ben yone lañ ci dugg moy ci di dello di raddu ñi nga xamantene ñom ñoo wax ne mbugalu gor jigen mo gëna tuti mbugalu njaalo amna borom am yox lool wa bon wa mbugalu yu dalo ci aduna wala aduna galaxina aduna galaxina wa aduna ak allah non ci aduna ay borom am wa mais ay grand jet ga wala wa bon si c'est que fekki woko biñ mom lañu jëkke won waaw wax seen ki wax lañu seen argument tout ça waaw mais barkon ci bakkar yu magi dañu dëgg souvent ah c'est étonnant xam nga si dañu dëgg souvent ñu né bakkar yu magi waaw ci tuddu njaalo waaw alors que amna juroomi bakkar comme par exemple Turian de Orphelin waaw nu mu tuddu lay ne wa okay dafa ñaw sax triyan de orphelin dafa am lu jëlé wa akulu malal yettimi wa bu mag bi moy manam ki bokalé wa ray nit wa njabar an jabar dina bok wa njabar ci jull wa ci graw yi la bok kay ray nit amna la djuroom non njabar mom ray nit la mais d'une autre manière ba bari bu gëna douce ba nopi nak avec gentillesse voilà l'homme le tue à petit feu voilà nan sangara voilà mais djalo bokku ci djuroom yi si en fait sept la sab'ul mubiqati ah sept la wa amulo djuroom yi wax souvent lan djuroom yo xamne ne mais par exemple buñu nan bakkar yu magi dañu nan 5 sept non sept sept la wa d'accord même qui dans les sept péchés ñu sept péché capto d'accord mais yoy à titre indicatif la à titre indicatif la mais sino pour lool waaw abdallah ibn abbas radhiyallahu anhu dala wax nan deul dala wax nan 700 la gëna jëgé sept ti bo ci def mu ngeen la yobbu safara ah mu nako def yalla nañ yalla sam daal day go motax mais xolal lek yap mbanku ci la bok de ci bakkar yu magi la te bokul ci te limale wuñ ko won fofu bo xolé et cetera incest xam nga ko waaw ci la bok xam nga ak yenen ak yenen amna yenen catch xam nga catch waaw ci la bok te kenn mo gëna graw jow waaw mo gëna graw jow parce que en fait kenn lu amul ngay wax yow alors que jow li ngay wax amna quoi voilà c'est à dire bi fenn jow kenn ngay ton mais fenn da nga mëna défar lo xam ak da nga tax voilà lay bon et cetera dal comme rambat du graw la yëm ci bakkar ma gi lañ bok comme par exemple ay iñan soxor et cetera ngistel yeb ci bakkar yu magi lañ bok mais motax cheikh abdallah dabar radhiyallahu anhu biko ki waxe djuroom ki bakkar yoy non talib bi rahmalallah bu ko waxe djuroom ñaar bakkar yoy daniko c'est que bakkar bu mag bi ngui koy defini daniko bakkar bu mag moy bepp bakkar bo xamne nit ki su koy def xelam du dem ci yalla lepp lu nit ki di def te su koy def xelam du dem ci yalla manam ci ben xal ci xali ci anam go xamantene delu winu rusko la moy bakkar lu magna xam nga tay nit par exemple suñu gistal bu xelam delo ci yalla ci delu win gu koy meuna jariñ rek du ko def nit ki suy ray nit bu xelam delo ci yalla delu gu ko meuna jariñ du ko def bokale nonu njaalo nonu nan sangara nonu wax lu ñaaw ci wajur nonu et cetera ak yenen ak yenen manam lool moy bakkar bu mag moy lo xamne day tax manam lepp motax bepp bakkar bu mag day meuna dog digeenti nit ki ak borom mum subhanahu wa ta'ala yalla nañ ci yalla musul motax lool lo bakkar bu mag non lool mum moy niñ koy gëna xamewé bo bëggé xam ndax nangam ci bakkar bu mag la bokk wala bokku ci moy xolal ndax nit ki su koy def amna ci ben ci anam yi num ko meuna del lu xel meuna delo ci yalla xam nga ki jog di njabar nit koku bu xelam delo ci yalla ci anam gum ko meuna jariñ rek duko def nit ki nan sangara su rousé yalla deug duko def et cetera moy lepp lo xamni nit ki bim koy def digeunte mak boromam dotna ba pare dafa dag motax mu meuna appli ci affaire bob lolou moy bakkar bu mak te bolé na ci tamit liwat bi goor def goor jigen ni goor jigen ni ñom liñu wax naan kenn du len jox lo xam nangam nangam ah non attends dafa am lo xamné il faut que mu leer ñoy ay katchor lañ liñu diglé ci katchor yépp mom lañ diglé ci goor jigen ni moy boycotté len wa moy boycotté len ci condition c'est que en fait li tax wolof yi am peut-être problème ci affaire bob moy liñ jang al-akhdari imam al-akhdari rahimahullah mom dafa wax né nako lako té bim lan woyé di bu hijranuhu wala yasabu fasiq am na xaw woyé tabu sohbata fasiq wala wa woyé di bu hijranuhu wala yujalisuhu amna num ko waxe fatina mais waru andak katchor dafa war waru sax togal ak mom bi ghayri daruratin shari'iyyin ci lu amul lor wo xamné lor bu tuké ci sharia la go xamné gu sharia meuna permettre la waru tamit toga ki nga xamantene mom moy katchor waru andak mom dafa wara dox digeentim wax joju mu wax nak daf ko joyal manam mom daf ko wax d'une manière globale sauf que mom dugul ci detail yi parce que mukhtasar la bindu mukhtasar akhdari lañ ko tudde mukhtasar moy bokul ak comme li waji wax nan mukhtasar c'est que tere bi da yegul motax mu tuddu mukhtasar kon xana mukhtasar khalil mo ni ngi tudde mukhtasar moy bepp bat moy tere bo xamne dañ ko bindé gattal bat yi ba pare guddal manay lolo mukhtasar lo xamne niñ ko waxe mo gatt mais sens yi c'est profond ba pare dafa yaatu légi imam al-akhdari rahimahullah bimu waxe lolou tekkan indiwul tekkantali mais dafa am tekkantam and ak katchor dafa am tekkantal moy lan moy su fekente ne ka bi bobu nonu mu wax ba pare detaay wuko fimi fenn lay appliquer wo moy ci ko xamantene boko baye mbayi gogu dana ko jariñ te yow du la lor kon buñuy wax nak buñuy dox ci trottoir ak dañ ñaan wara ki bañ seuss ci mur ba ki ñoo ahlul kitab lañ wax ahlul kitab la yent bi waxon ci ñoo sallallahu alayhi wasallam ñan wa juif et chrétien ñom rek lañ lool lool la man lool la xam hadith bi mo xam lool la wax te noko kon nak te ñoo ñu def yoy non dañ jigen dañ leen wara buñu ah lool par exemple ñu gis goor ñu xamne ki goor jigen la dañ ko wara non non dañ leen di ray ñoo ñu dañ leen di ray goor jigen dañ koy ray voilà legui problème bi moy xam nga mbir mu ne te attention ahlul kitab bobu yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon ne def len doxale len non ak ñoon mais lolu fimu valable moy jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak peut-être jamono yi ci top doute mais instant bi mu ne yow kay bi fi kay yow yaay yow yaay yow sax yow lañ nane eto eto costa yow yaay costa oh mais du gaay ñoy costa non fi mom non attendez mom bu ci yow lañ nane e costa costel voilà dig legi kon manam motax voilà motax affaire bi c'est très important c'est à dire que nga xam lolo tax ki am solo usul xam nga lo tax usul am solo moy day tax ngay xam atté yi ak texte yi comment nan lañ koy appliquer ak pourquoi ñu koy appliquer ak fan yan circonstances et cetera xolal capture bi nga xamantene dañ ko wara gaday imaginer ki nga xamantene tay mom limi def baxul capture moy lan lan moy capture d'abord facet moy lan nan lañu définir facet parce que par exemple buñ né kuñu jëm ci mom haditham moy ki nga xamantene ba day am liñu wax adala day manu moy kacior moy kep ko xamantene day def ci bakar bu mak nit ñi xam ko ne day def bakar bu mak ba paré wala bok mu nek ku nuur ci lu upp ci bakar yu ndaw yi lool moy kacior par exemple tux kat bi kacior la ci sharia waaw parce que da ko def ñepp diko gis te baxul mais ben bakar no du ay bakar ndaw non dafa ndank ah du ko xamne day dafa dajale ay bakar ndaw yu bala di nour la ka nour ci nour de ci man da ci ah kon da am ben bakar ndaw bo xamne da ci da koy def tout temps souvent voilà habitude dem voilà d'accord non ba nopi sax da ko def mais tour sax est ce que ci bakar ndaw yi la bok lo xamantene day ray nit day lor moro ke ci dess et cetera day yak khales day indi fever nangam nangam lol bakar mo ndaw lolou bakar mo magna cheikh abdass dafa radiyallahu anhu dagn ko laaj ndax tour bakar la meuna bakar bu mag bu meuna dafa haram lutax mom dani ndax day soral nit yalla day dog digeenti nit ak borom ba pare xet gu bon gi nga xamantene mo ci nek day dak ay malaka munete man dem na ci diwan ba gis na ne mom ni muy xamé nim do xamé lu haram ak lu farata ak luñu sopp wala luñu sip muné day def wala lo xamantene dafa dagan rek moy mom day def bu démé ci diwan bi day xol nitu yalla yi fofu radiyallahu su gisé né ñepp dañuy def li kenn bawuko ci mu xamné ko lool farata la mu gisé ni ñepp dañ ko bax kenn def ko ci mu xamné da haram bu gisé lo xamné li ci upp dañ koy def ñu upp ci gaay fofu dañ koy def mu xamné kon li dañ ko sopp bu gisé lo xamné li ci upp dañ ko bax mu xamné dañ ko sip bu gisé mu xawa équilibré mu xamné ah d'accord kon li dafa dagan mom non lay xamé affaire mu né té tux mom gis na kenn na def ko manam par exemple ak yenen non du lolou kesse dama joxe exemple rek dafa am bakar yo xamantene non lañ mel salam alaykum dafa am bakar yo xamantene non lañ mel manam bakar la yo xamantene nit ñi dañ koy faral di def yoy moy katcho imaginer tay buñ newon kacior xam nga tay même débat bob kacior du jité kacior du ci amna lenn ci malike lu koy wax ak hanabi lay rahmatullah ñom dañ koy wax mais li ëpp ci borom xoxof yi dañ ni kacior mën na jité au moment où mom jullim baxna julli ñi nekk ci ginnawam dana bax jullim mom baxna nga ni waaw mu ne comme julli ñi nekk ci ginnawam dana bax mais souci bi moy tay imaginer buñ newon kacior nit ki du and ak mom mais nit ñi duñ and ak kenn demono ci ñu ou presque parce que kenn ku ci ne amna luñu mëna reprocher lo xamantene yow dang koy def ñepp di ko tek ci beut bu ne kacior du jité te kacior wax na la ko legi moy ce qui veut dire que kon jamono ji nit ñi duñu amat imam mais du tout ah det waaw waaw donk lolou motax même mazhab xolal da ngay gis même mazhab da ngay gis borom xam xam yi rahmatullah am dañuy jek jek ben époque ñu changer ci nek ci ben mazhab changer ni ñi gisé masala bobu parce que époque bi mo changer xolal par exemple hanafi rahmatullah mi nga xamantene non lañu gisé won affaireu at ki ñom dañ ñewon bu ñu jëk ñu dañ ñewon manduté obligé wul pour du obligation pour mëna ki nit non pour mëna mën ko cédélo c'est-à-dire que il faut bu ñu gissé ben julit rek fék xamuñu ci mom luy wone ni kacior la dañu japp ni dafa mandu pour mën ko at pour mën ko cédélo mu mëna nek kuy témoigner ñu jël ko comme témoin ñi ci dess né dédé il faut que d'abord ñu xol ba xam waaji mandu na ñu mëna xam loolu ci mom mu wër ñu do ko mëna cédélo mais ñom fan lañ ko tégon parce que dañ ñewon julit ci tosan da fay manu mais xolal ñu mujju ci hanafi rahmatullah dañu mujju gis ne jamono dafa mujju dem ba changer donc il faudra d'abord ñu vérifier manu tek waji c'est ça diko lool la tay kacior buñ né la do and ak mom do tok ak mom do nek ak mom et cetera ludul xala lo xamne lor deug la bu sharia permettre comme tay ki nga bokal fi ngay liggéey mu noné dama fi joggé du fi né manam do fi né et cetera xam nga kokku mënoko wala ki nga xamantene yow da nga dag pass mu dag pass ngeen bokku auto mu nek jigen jo xamné masalan mourul dafa mess xam nga da haram dafa mess dafa haram kacior la ci séré am kokku kacior il faut dire la vérité ah oui wala ko xamantene gis nga ko ñu né mu jox loxo jigen ñu diko gis ni muy jox loxo jigen ni kacior la ci sharia koko tamit woro tok ak mom ah de kacior la lolu motax il faudra faire très important c'est à dire que motax il faut faire très attention c'est très important masala bi ni moy lan moy ki nga xamantene mo legui nak kon kacior est ce que kon ce qui veut dire que est ce que nonu lañuy appliquer règle bobu wala dafa am tekantal c'est à dire que détail sik neeku ñu dafa am detaay té loolu la borox xoxoy saxar rahmatullah moy lan moy ko xamantene tok ak mom yow bo nekk ak mom dim ko jariñ ci wala mu jariñ maam surtout yow nga jariñ ko ci diine ji de telle sorte que wala mu jariñ la de telle sorte que xeyna yaakar nga ne mën na changer ci ëlëk ci nekk gi ngay nekk ak mom koku kenn dula wax nga bayiko d'ailleurs sax bokul ci xel nga diko ba alors ki nga xamantene nak mom tay nek gi ngay nek ak mom day melni mom day réconforté wu ci situation bi mu nekké ndax di woy ngi and ak man ak yoy kokku mom tu obligé nga a bayiko parce que soko bayé kokku affaire bi da koy yedd ah man day ñimay andal ñepp bayi nañ ma ndax sama limay def nangam nangam et cetera nit ñi nangotuñ and ak man ndax sama jëf nangam ak nangam ak nangam OK comprendre kokku lañu wax né mu koku nak la imam al-akhdari doon wax rahimahullah koku la doon wax mais du ñepp mu am keneen ko xamantene mom soko bayé day gëna dem ci lu bon kacior bo xam mom koku soko bayé ci limu nekk nga bañ ko fréquent baña waxtan et cetera ci lu bon daf ci dem nour ci abadan légui koku tamit lañ téré koku mom koku doko bayé parce que sino dang koy lan bo ragalul yow mom indi la ci li nga ne koku dang koy xecc pour da ngeen koy baye ci bir nit ñi ci bir julit ñi et cetera muy and ak ñom pour au moins de nako meuna changer c'est à dire que lool la c'est à dire que tekantal bobu mo ci am mais né ki kacior la day def nangam rek da na ko baye mais kon ñepp ngay baye parce que ko gis amna sik bu muy def lo xamantene soit doy mesu budé gor jigen la wala du mur budé gor la soit day wër sikim bi wala muy joxe loxo gor ji jigen ni boudé et cetera ak yu yenen yi gis xamna ñun ñepp xamna ñuy wax wala muy tux wala muy def lenen ak lenen boudé lool la mom moy do and ak kenn té do julli ci ginnaw kenn parce que ñun ñepp xam nga len wala ñu jëw bakkar bu mag la nga gis ko mu diko def wax ki nit lu ñaaw lo xamantene koku bu fi nekkon bu ko waji déggé koku bu ko déggé du ko neex kon sa gëbëri lool jëwlu té lool ku ko def sax kacior sax na sa kacioré mi ngi sax nga def dara ci bir nit ñi té loola yalla diko téra mu nekkul haram nek bok ci bakkar yu magi wala bok nga yak ko def ci bir nit ñi te mu nek bakkar bu ndaw sa katchor sax na ci lool koku katchoré bu sax na moy do julli ci ginnawam bu fekke ci massa bo lenn ci maliké ak lenn ci han ak kharabi lay nu manière général rahmatullah alayhi voilà donc imagine nga lool imagine nga ñuy appliquer lool non jamono jini est ce que duñu mabal ci diiné ji lo xamantene mo gëna fort non liñuy mabal ci diiné ji sax moy mboko andando té yalla tax lool da sa day mab et cetera ak muñëlante et cetera ak di jëmo yéddanté ci lu baax yoy yëp day fadu parce que da nga nan comme que ki day def li man duma and ak yow ci sey jëmi bop amna ay choses yo xamné yow bo xolé sa bop xam nga ni amna loy reprocher sa bop wa wala yow ci sey jëmi bop mënu gérer sa bop wala wax rek ku nekk da top mbiru bop war na la doy ah yo xam nga ni am nga ay améré am nga ni ah am nga yoy reprocher sa bop mo xam nak loy def publiquement la wala loy def ci privé bi mi am nga lo reprocher mo ah ah moy est-ce que ngi moy pire moy nit kuy def dara lo xamne si wul do non kokou du katchor budé lim mom lay neubut bu koy def du katchor mais dédé katchor moy ki nga xamne limuy def bu ko defé nit ñi dañ ko gis ci bit ah mais kuy def bakkar bo xamne non du kokou du katchor katchor bi il faut nit dara parce que nit ko wala mais il faut mu def pour mu nek katchor il faut mu def ko nit ñi xam ko xamay bakara waaw manam mu def ko ci biti ni ci mbedd mi mais ko xamne nit ñi xamu ñoy bakara wala tay par exemple goor gu ñew nuyu jigen ni ci mbedd mi ni wala ci bir mbolo nit ñi gis ko katchora parce que ci biti lako def ñepp gis nañ ko euro julli jot julli wul ba julli gi wess effet katchora parce que nit ñi gis nañ ko manam public bi il faut nga def ko dans public tour kat bi def ko public bi katchora la bu de day neubut nak diko def té nit ñi duñ ko xam koku du katchor katchor pour nga nek ko il faut nga diko def prix ci public bi voilà et cetera voilà yalla ñu yalla sam juste abdoulaye dem mu ngi roox né jarogul hadith ba waaw deug la dina ko dama ko en fait dama ko faté yone mais dina ko yone waaw gis na ko jotna inshallah dina ko yone mi ngi ci téré bi at tazkiratu fi ahwal mota wa umur al akhirah wa dina ko xamul do xamul jall mu laaje moko mo ko am inshallah dina ko koy deg mais xawmo dem wa dina ko ko wax inshallah mi ngi ci al mukhni tamit bo mo dekké inshallah dina ko ki inshallah mais yaangi ki mba tay mel wa na yo ma ngi inshallah nako yo na so amé tamit akay yuko mën ki wa inshallah mais c'est dommage yow say mo néna dina deg olof mais buy deglu xamam néna par exemple ni bo wax ak mom ni waxtana ko olof day comprendre mais néna ni jaay jabaram da len doon jangal mok jabar gi ndax dali justement néna mais ni jaay gi da wax ba pare néna mok jabar comprendre ni dara néna parce que olof nimu doon waxe ak ki bi dafa gaw ils ont rien compris mais néna pourtant ñom deg par exemple fi lañ ma gem mi deg nañu sen keur yi olof nañu la par exemple abdoulaye man mu na wax mo wa c'est le langage religieux xamna voilà parce que mu na wax mo téléphone 15 minutes di wax olof rek day comprendre menen ni jaayam da la doon jangal lolou na motax ba legui nak demugul parce que dafa laaj dama ko laaj kéro ndax dem na ci lien bi mako joxon solo d'accord mune demugul ci parce que isu di est ce que bu fa demé dina comprendre non si